Bonjour à tous. Alors, on va commencer la dictée de la semaine numéro 3. Avant toute chose, je vais vous préciser deux ou trois petits points. Le premier, il va falloir écrire les chiffres en lettres. Et le deuxième, il y a deux noms propres que je vais vous épeler maintenant. Donc, il y aura le mot Clovis, C-L-O-V-I-S, et le second mot, les francs, F-R-A-N-C-S. Voilà, je commence la dictée. Le titre, l'histoire des Mérovingiens. Il y a 1600 ans, virgule, des peuples barbares envahirent le territoire de l'actuelle France, point. Ces barbares étaient des guerriers. Point. À cette époque, virgule, trois peuples se partageaient la Gaule. Point. Chacun régnait sur un royaume. Point. L'un d'eux était le peuple des Francs. Point. À 15 ans, virgule, Clovis devint le roi des Francs. Point. Il provoqua de nombreuses guerres contre ses voisins. Point. À sa mort, virgule, il était le chef de la plus grande partie de la Gaule. Point final.